Chapitre 22. Leur audition devant le sommet du comète était prévue en début d'après-midi. La chambre de Zélé baignait dans la lumière du jour et son visage était éclairé d'un doux rayon sans que cela ne vînt déranger son sommeil. Ce furent les bruits d'un groupe d'animaux dotés de ventouses venus se chamailler contre ses fenêtres qui l'éveillèrent. Les murs du bâtiment étaient recouverts d'une végétation qui servait d'habitat à de nombreuses créatures. En sortant de sa chambre, elle toqua la porte d'en face, qui s'ouvrit sur un lit vide. Ormaïn devait être levée. Encore assoupie, elle traîna les pieds le long du petit couloir pour arriver dans l'espace de vie et trouva son compagnon, en train de rabâcher son discours, l'air fatigué. Il n'était pas rentré tard la veille et Zélé s'était vite endormie. Ormaïn, par contre, n'avait fait que se retourner encore et encore dans son lit et après s'être avoué vaincu dans sa bataille contre l'insomnie, il s'était plongé dans la révision de son discours. « Ne le connais-tu pas encore assez ?» lui demanda Zélé. « Oh que si, je suis certain que je pourrais le réciter endormi, c'est simplement que je dois m'occuper. Je ne pense qu'à l'audition, j'en ai l'estomac retourné. « Comment est-ce ? » demanda Ormaïn. « Quoi ?» s'étonna Zélé. « Le cercle du comète, à quoi cela ressemble-t-il ? Est-ce comme la salle du trône dans ton palais ?» La réponse paraissait évidente à Zélé. Elle ouvrit la bouche et rien n'en sortit. Elle avait participé à d'innombrables assemblées, quelques rares fois sur place, et la plupart du temps depuis son implant, alors qu'elle était au palais. De cela, elle en était sûre. Mais à quoi ressemblaient les lieux exactement? Comment les choses se déroulaient-elles? Elle n'avait pas ces informations en mémoire. Son implant les avait. « Je ne sais... plus, » confia-t-elle. Ormaïn comprit d'où venait le problème et n'insista pas. Même s'il était très gêné de ne pas avoir de réponse, il fit de son mieux pour trouver des informations sur le Rézarque, mais comme il s'en doutait, les réunions du cercle étaient confidentielles et rien ne l'éclaira particulièrement. Zélé essaya de le rassurer en lui garantissant qu'il n'y avait rien de pompeux, bien que ce ne fût qu'une impression qu'elle ne pouvait expliquer sans plus de précision. Début de connexion. « Fille Zélé, je vous attends dans le hall. Reine Zinouma, elle me semble que nous avons encore du temps devant nous. Fille Zélé, crois-tu pas qu'il vous suffit de vous présenter devant le cercle et de lire le rapport que vous avez déjà soumis pour obtenir gain de cause ? Arriver en avance te permettra de saluer les représentants et mieux gagner leur sympathie. Les conversations officieuses ont souvent plus d'impact que les officielles. » Reine Zinouma, très bien. Nous vous rejoignons d'ici une demi-heure. Fin de connexion. L'annonce de leur départ imminent paniqua Ormaïn. Zélé lui intima d'aller s'habiller correctement et lui assura que tout irait bien. Pendant qu'elle se préparait de son côté, elle l'entendait lui parler, mais sans vraiment comprendre ce qu'il disait. Il évacuait son stress, à voix haute. Il n'attendait aucun retour de sa part. Au milieu des « déjà » et « pourquoi ?», il accusait sans méchanceté la reine de vouloir saboter leur audition. L'héritière fut prête bien avant lui. Elle patienta près de la porte et lui lançait des « tout ira bien » et « dépêche-toi Ormaïn ». Quand il se montra, elle le complimenta sur sa tenue, ce qui le décontracta un peu, et ils se mirent en route. Un taxi les mena hors de la ville, jusqu'à la première station du grand complexe de transport souterrain qui parcourait la plus grande forêt de Jobjon. Elle recouvrait plus de la moitié du continent. Les stations de transport en périphérie de la forêt étaient aériennes et s'engouffraient ensuite dans les antres de la planète, telles des montagnes russes. Les voyageurs ne ressentaient en rien ce plongeon souterrain grâce aux wagons niveaux qui demeuraient toujours à l'horizontale, nul besoin de se ceinturer, des barres et poignées suffisaient, amplement, comme dans tout wagon ordinaire. Les tunnels étaient situés très profondément, pour passer à plusieurs dizaines de mètres sous les racines de la végétation et en rien la perturber, que ce fût par les tunnels ou les vibrations. La capitale du comète avait été érigée à découvert pour faciliter son développement. La circulation et la mise en place d'infrastructures convenaient à la majorité des espèces représentantes des planètes membres. La plupart des espèces indigènes, quant à elles, étaient arboricoles et vivaient en forêt. Les habitations des Jobjon pouvaient aussi bien être sous terre, lovées entre les racines des arbres géants, que dans des troncs ou des constructions maintenues par des branches. Leur ville, si elle pouvait être dénommée ainsi, était des labyrinthes inextricables, pour les visiteurs occasionnels. Le cercle, dans lequel se réunissaient les représentants galactiques, existait depuis des millénaires. Au commencement, il s'agissait d'un cercle de rencontres de chefs de tribu. Tout le monde s'asseyait en rond, en laissant une ouverture pour que quiconque arrivant à l'improviste ait une place. Divers cercles existaient sur la planète. Celui-ci était simplement daté comme le plus ancien. Ce fut donc lui qui devint le cercle des relations interplanétaires quand les Jobjons entrèrent en contact avec les habitants de leur planète voisine Joko. Ils furent surpris de découvrir que leurs voisins avaient développé indépendamment d'eux la même tradition de cercle ouvert. Malgré la simplification que cela aurait apportée, il avait été hors de question pour les Jobjons et les Jakotes de déplacer le cercle dans la ville ou d'en établir un nouveau. Les planètes membres avaient rapidement accepté ce petit compromis. Après tout, ce n'était pas comme si les lieux étaient restés dans l'état primitif du tout premier cercle. L'emplacement était resté le même, mais il n'était plus question d'une tente en feuilles. Tout avait été aménagé pour accueillir dans le confort moderne les représentants de toutes les planètes et répondre à leurs besoins physiologiques. Le trio déboucha du transport souterrain via un ascenseur aménagé dans un immense arbre. La cage d'ascenseur n'était guère qu'une galerie de fourmis pour lui. Ormaïn avait l'impression d'être sur Nikéas, mais dans une version gigantesque. Tout était conçu en bois et matière végétale. Il y avait des tunnels souterrains et même des villages au milieu des arbres. Mais tout, 100 fois plus grand. Derrière leur architecture rustique, les lieux étaient aussi bien équipés que n'importe quel bâtiment de la capitale, si ce n'était plus. Il imaginait aisément les forêts nikéennes ainsi transformées, et voir les résistants ressurgir à la surface et vivre avec les esclaves des camps libérés, élevant sans crainte tous leurs enfants. Un panneau indiquait que le cercle n'était plus qu'à 100 mètres. Il leur restait simplement à contourner une énorme racine aussi haute qu'un immeuble. Ormaïn repensa à la hutte d'Eli Jodi. Il se figurait le bâtiment du cercle comme cela, plus grand et rond. Alors, au détour de la racine, il eut du mal à croire ce qu'il vit, tant cela jurait avec tout le reste. Une bâtisse, à peine moins haute que la racine, en briques parfaitement taillées et polies, d'une pâleur aveuglante au milieu des tons verdâtres de la forêt, se dressait devant eux. Ormaïn n'avait pu davantage être étonné. Ormaïn n'aurait davantage pu être étonné. Il interrogea Zélie du regard qui haussa les épaules, comme pour lui répondre « Ce doit être ici ». Elle non plus ne s'attendait pas à cela, malgré qu'elle fût déjà venue. La porte transparente, habillée de motifs translucides, coulissa à leur arrivée et ils pénétrèrent dans un hall grouillant d'espèces étrangères. Le comète entier était représenté dans cette foule disparate. Pendant que Zeninouma allait signaler leur arrivée, Zélie Ormaïn traînait en arrière. Ormaïn admirait le plafond, en dôme, décoré de peintures animées, et Zélie était tenaillée entre le désespoir de ne rien se rappeler de tout cela et l'effort de trouver un souvenir quelque part dans les limbes de sa mémoire. La reine ne s'était pas une seule fois retournée pour vérifier qu'il la suivait et échanger avec l'hôtesse d'accueil. Bien qu'il y eût du monde un peu partout dans le hall, du passage continu et des groupes bavardants, l'ambiance était calme et le volume plutôt faible. Ce fut certainement pour cela que Zélie entendit sans mal le ton de la reine se hausser. Quelque chose n'allait pas à l'accueil. L'héritière interpella Ormaïn et ils cessèrent leur rêvasserie pour s'enquérir du problème. Seul un représentant par planète était accepté dans le cercle et la requête de cette rencontre exceptionnelle émanant de la princesse Zélie, sa présence était exigée. De ce fait, la reine Zeninouma se trouvait éclipsée de la réunion. Zeninouma était hors d'elle, et faisait tout son possible pour ne pas montrer qu'elle se sentait insultée et rabaissée. La situation était plutôt cocasse. Jamais sur Upléa cela n'aurait pu se produire. Jamais un Upléen, quel qu'il fût, n'aurait osé interdire un accès à la reine. Il aurait préféré se pendre que de s'opposer à sa volonté. Non seulement Zeninouma essuyait un refus, mais il était émis par une simple hôtesse d'accueil, en aucun cas une personne haut placée. C'était cela que Zélie voulait. Aucune personne supérieure à une autre. Chacune libre de s'exprimer en face de n'importe quel individu. Une reine ne valait pas plus qu'une hôtesse, une héritière plus qu'un réfugié, ou une humaine plus qu'un bolbolko. Zeninouma continuait de tempêter avec dignité et réclamait une responsable, pendant que l'hôtesse demeurait inflexible. Ormaïn savait que les plaintes de la reine allaient s'étaler indéfiniment si un miracle ne permettait pas de lui sauver la face et de la faire apparaître comme victorieuse du conflit. Zélé en était venue à la même conclusion, mais elle était trop absorbée à contempler l'humiliation que vivait sa mère pour intervenir. Cependant, elle n'eut d'autre choix que d'y mettre un terme quand Ormaïn lui donna un coup de coude et roula des yeux. Zélé se permit d'utiliser son implant pour scanner les individus présents dans le hall et repérer des représentants concernés par la réunion à venir. Elle interpella la reine sur un ton laissant penser que Zeninouma s'était déplacée jusqu'au cercle uniquement pour rencontrer Maloma, représentante de la planète Ryujub, pour une question vraiment très urgente. La reine, apercevant Maloma, lui fit signe, se retourna dédaigneusement vers l'hôtesse d'un faux air d'incompréhension. Pourquoi l'avoir retenue tout ce temps alors que la raison de sa visite, rencontrer la représentante de Ryujub, ne se trouvait pas dans la zone restreinte mais dans le hall? Ormaïn ne pouvait s'empêcher d'être soulagé que le sort de sa planète n'était pas entre les mains de cette reine despotique. Les Upléens avaient-ils conscience de ses agissements? S'ils étaient témoins de pareilles scènes, se rangeraient-ils de son côté systématiquement sans chercher à en savoir plus? Pensaient-ils que parce qu'elle était leur reine bien-aimée, elle possédait par extension tous les droits et rien ne pouvait jamais lui être refusé? Ils connaissaient tout du moins l'avis de Zélé. Maloma et Zeninouma avaient été rejointes par deux autres représentants, et Zélé, souriante, les écoutait avec intérêt, mais ne se permettait aucun commentaire. Elle observait la reine, prenait note des compliments qu'elle plaçait judicieusement, des questions personnelles qu'elle posait à point nommé, donnant l'impression qu'elle les connaissait intimement chacun, alors qu'il n'en était rien. L'héritière réalisa que, pour la première fois, elle voyait la reine s'adresser à d'autres êtres comme à des égaux. Elle apparaissait détendue, souriante, voire avenante. À l'intérieur, aucun doute que Zeninouma se croyait toujours plus importante. Elle était reine, l'origine de son prestige s'étalait sur des générations. Elle ne devait pas sa place à un vote ou à un tirage au sort. Mais trahir cet orgueil serait revenu à faire capoter leur requête. Zélé se dit qu'elle avait beaucoup de travail pour se façonner de telles relations et une belle réputation. Pour le moment, elle devait sûrement être considérée comme une quelconque collègue, sans a priori, ce qui était plutôt une bonne chose. Tout était à construire. Avant que l'heure de la réunion ne fût trop près pour déclencher la migration des représentants vers la chambre du cercle, Zeninouma les informa qu'elle était attendue dans la capitale et quitta très vite le bâtiment. Début de connexion. Reine Zeninouma, j'avois garde en conversation pour que vous assistiez à l'assemblée. Fille zélée, j'espérais bien cela de ta part. Nul doute que la reine allait trouver refuge dans sa chambre d'hôtel et attendre leur retour. En pénétrant dans la chambre du cercle, Ormaïn s'attendait à quelque chose dans la continuité du reste du bâtiment, et non pas à des tapis de paille disposés en cercle autour d'une souche qui servait de tribune. Le bâtiment n'était qu'un chapiteau construit autour du cercle originel. L'intervention était divisée en deux parties, l'exposé de la situation, par Ormaïn, et la requête que la planète Upléas adressait aux comètes, par Zélé. Tous les membres de l'Assemblée avaient reçu la mise à jour leur permettant de comprendre le Nikéen. Ormaïn pouvait s'exprimer dans sa langue, tout en étant parfaitement compris, et Zélé avait choisi cette même langue pour son intervention. Le Nikéen s'avança doucement vers la tribune. Debout, immobile, ses jambes flageolantes trahissaient son trac. Son discours était dans sa mémoire ou son implant, si besoin. Il ne disposait d'aucun papier sur lequel ses yeux auraient trouvé refuge, alors il regarda les pointes de ses pieds et récita son texte, comme un élève qui n'avait pas demandé à aller au tableau. Pourtant, le malaise ne passait pas. Il repensa aux mots rassurants de Zélé. Tous les individus de ce cercle étaient égaux. Chacun avait une raison propre d'être là. Le droit de s'exprimer et d'être écouté. Aucun plus intelligent qu'un autre. Il n'était pas là pour lui, il était là pour parler au nom des siens, des millions d'autres qui n'avaient pas la chance de se trouver en sécurité comme lui. Dans cette idée, son discours s'improvisa. Il raconta sa vie d'aussi loin que remontaient ses souvenirs. La vie des autres, ceux des tunnels et de la surface. Les prélèvements dans les villages, les nourrissons laissés dans les bois, les explications d'Elie Jody. Sans qu'il y pensât, sa tête s'était relevée, son regard croisait tour à tour celui des membres de l'auditoire. Il ne parlait pas sous l'émotion, son témoignage n'était pas mélodramatique, sa voix était posée, il évoquait les faits d'un ton concerné et catégorique. Zélé, qui s'était inquiété au commencement, notait maintenant des intonations qui rappelaient Caroa, et remarquait avec satisfaction l'intérêt évident qui se lisait sur les visages de l'assistante. Malgré son improvisation, il ne dépassa pas le temps imparti, et ce ne fut que lorsqu'il retourna s'asseoir en tailleur sur son tapis de paille, et qu'il renvoya à Zélé un subtil sourire entendu, qu'il s'aperçut qu'il était totalement détendu. Zélé prit place à la tribune. Puisque l'auditoire pouvait comprendre le nickéen, Zélé n'allait pas se brimer en parlant upléen, cette langue dont l'articulation, comme le disait Mimicha, ressemblait à un raclement de gorge atroce. Dès qu'elle commença à parler, ces mots nickéens eurent leur petit effet sur la reine, qui l'écoutait via son implant, et qui s'offusqua dans leur conversation implantaire. Zélé n'en avait cure, au contraire, elle s'en réjouissait. Membre du comète. Après le témoignage du représentant Ormaïn, il m'incombe de vous convaincre que le comète doit se joindre au peuple nikéen pour libérer Nikéas. Avant de développer, je vous assure que, malgré cette apparence changée, je suis bien Zélé Zininouma Idlé, héritière du trône du Pléas. Ma transformation physique sera un point de mon exposé. Chacun d'entre nous condamne les pratiques décrites par le représentant Ormaïn. Celles-ci ne sont qu'une infime partie des atrocités perpétrées à chaque seconde qui s'écoule pendant que je vous parle. Car elles sont les seules que nous ayons pu glaner sur des zones très restreintes et en un temps limité. Nous sommes horrifiés par ces pratiques, mais elles ne nous surprennent pas particulièrement, puisque même si nous nous efforçons de les ignorer dans nos quotidiens sécurisés et enviables, ce n'est pas pour autant que nous ignorons que les pires crimes continuent d'exister aux quatre coins de la galaxie. Nous aspirons tous, dans cette assemblée, à connaître le jour où tous les mondes adhéreront aux idéaux pacifistes et équitables du comète. Nous aspirons à connaître une époque où jamais aucune pensée amère nous rappellera notre statut privilégié parce que nous sommes nés sur la bonne planète ou dans le corps de la bonne espèce. Le comète n'a pas pour but de pacifier la galaxie, mais de protéger ceux qui l'ont rejoint de leur propre gré, afin que leurs temps obscurs restent dans les manuels d'histoire et ne menacent jamais de réapparaître. Alors, pour quelle raison devrions-nous entrer en guerre quand Nikéas n'est pas des nôtres? En effet, Nikéas n'est pas officiellement une planète membre. Mais Upléas l'est. Et ces deux planètes font partie du même système, le système Réas. Quand une planète devient membre, si elle est la seule habitée, c'est son système solaire entier qui est intégré. Oui, vous l'avez deviné, lors de la soumission de sa candidature, les données concernant Nikéas étaient fausses. Conditions climatiques et atmosphériques infernales, absence de tout minerai de valeur, on ne pourrait faire plus opposé. Je pense que les vidéos qui vous ont été transmises ainsi que la présence en chair et en cartilage du représentant Ormaïn vous auront définitivement convaincu que toutes les données actuellement accessibles sur la planète Nikéas sont erronées. Zélé se tut un instant, laissant le loisir à son auditoire d'échanger des regards outrés ou interrogateurs, certains cherchant chez l'autre une confirmation des dires de l'héritière upléenne. Nous étions deux upléens à nous rendre sur Nikéas, le temps de cette brève visite. Le citoyen Zokuzo Galayushku et moi-même. À notre débarquement, nous étions tous deux dénifiants à la peau verte et sèche, quelque peu fripé et parsemé de taches sombres dans le cas du citoyen Zoku. Les événements mouvementés auxquels nous avons été confrontés sur le terrain ne nous ont pas permis de tout de suite réaliser les bienfaits qu'exerçait sur notre organisme le climat nikéen. À notre retour, notre peau était légèrement plus souple et sa couleur semblait avoir bleui. Nous sentant plus vigoureux qu'à l'accoutumée, le citoyen Zoku et moi-même avons décidé de prolonger notre exposition à l'environnement nikéen en recréant celui-ci. Une amélioration sur l'état de santé général a été perceptible. Mais c'est surtout la transformation physique qui se révèle impressionnante. La peau est devenue entièrement bleue, humide et tendue. Les taches cutanées ont disparu. Nous en concluons que le climat répondant aux besoins physiologiques de l'espèce unifienne n'est pas celui du pôle nord de la planète Upléas, mais plutôt le tropical de Nikéas. Se pose alors la question de comment expliquer pareil phénomène. Tout simplement parce que les Upléens et les Nikéens appartiennent à la même espèce. Vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à le croire en me comparant au représentant Ormaïn. Vous trouverez aussi dans le dossier une preuve plus scientifique, à savoir un comparatif d'ADN. Le berceau des Niphiens est Nikéas, mais une partie d'entre eux a colonisé Upléas. Cette colonisation remonte à avant l'intégration d'Upléas aux comètes et demeure assez floue, car elle n'apparaît nulle part dans les manuels d'histoire, et jusque-là, l'origine de l'espèce Niphienne était rattachée à Upléas. Les sécheresses subies par le pôle Nord s'expliquaient à l'heure qu'il est par un dérèglement climatique mystérieux, alors qu'il n'a qu'une explication tout à fait logique. Une espèce dont les besoins physiologiques requièrent beaucoup d'eau s'est installée dans une région désertique. Depuis la colonisation du Pléas, la seule région en surface où la végétation se développait, autour de gisements de sources dans le cratère situé au pôle Nord, dit cratère vert, a été mise en péril par la trop forte consommation d'eau par les Niphiens, et aujourd'hui cette région est protégée par un dôme protecteur et artificiellement irriguée par une eau fournie par le comète, je précise. Les besoins Niphiens représentent un danger dans les écosystèmes natifs. Le manque d'études à ce sujet m'empêche de vous détailler l'impact exact que cette colonisation a pu avoir et a sur tous les individus des espèces locales. Dans l'intérêt de ces écosystèmes et des êtres sentients qui en dépendent, le rapatriement de tous les individus Niphiens sur Nikéas apparaît une nécessité, et celle-ci ne sera possible qu'après la pacification de la planète. Vous constaterez en annexe du rapport tous les effets bénéfiques sur la santé qui ont été constatés sur le citoyen Zokuzo Galayeshku et moi-même, après notre retour dans un environnement adéquat. Comme vous le savez, notre visite sur Nikéas n'est pas restée secrète. Les mercenaires ont tenté d'attenter à la vie du citoyen Zoku et à la mienne. Notre sauvetage, inespéré par les forces upléennes, a inévitablement généré une tension entre les mercenaires et Upléas. Nous ignorons quel est le niveau de leur équipement d'attaque, et nous ne tenons pas à ce que notre planète en fasse l'expérience. Autrement dit, si le comète ne tient pas à intervenir sur Nikéas pour en libérer ses habitants, car ils ne sont pas officiellement reconnus et membres, le comète se doit d'intervenir au nom de la sécurité qu'il garantit aux Upléens, qui sont directement menacés par les mercenaires, et pour protéger les écosystèmes upléens menacés par la présence Niphienne. Termina Zélé. Fille Zélé, tu es parfaite, disait Ninouma sur l'implant. Les représentants restaient installés sur leur tapis, pensifs. Zélé savait que même s'ils étaient silencieux, déjà, ils échangeaient entre eux via leurs implants. Quels éléments les avaient le plus touchés? Quel argument était le plus susceptible de les convaincre? Tous les éléments pour leur réflexion devaient être parfaitement réunis et complets si elle souhaitait que la délibération qu'il rendrait le lendemain fût dans le sens de sa requête. Les zones d'ombre pouvaient les conduire à demander à ce qu'elles fussent éclairées, avant qu'une véritable étude puisse être menée. Et ces zones d'ombre, Zélé les identifiait déjà. Quelles étaient les conséquences exactes de la présence de l'espèce Niphienne sur les écosystèmes du pôle Nord? Comment les colons upléens en étaient venus à oublier leurs origines nikéennes? Pourquoi les données de la planète étaient erronées? Pour la première question, Zélé n'avait pas de réponse et l'Assemblée comprendrait aisément qu'il était impossible d'en apporter une avec une étude menée sur un temps si court. Par contre, pour le reste, elle possédait toutes les explications. En rien flatteuses, mais elle les possédait. Avant qu'il ne fût considéré que son discours était achevé et que les lieux pouvaient être libérés, Zélé enchaîna. Membre du cercle, on peut se demander pourquoi tant de mystères, pourquoi la nature de la planète Nikéas était inconnue alors qu'elle est voisine d'Upléas. Comment Upléas aurait-elle pu se tromper sur les relevés effectués? Aucun mensonge ne parviendrait à fournir une explication plausible tant il serait saugrenu. La triste vérité est que rien de tout cela n'est inconnu d'Upléas. Toutes les données concernant Nikéas ont été sciemment falsifiées pour que sa vraie nature ne soit jamais découverte. « Fille Zélé, que fais-tu ? » s'inquiéta Zéninouma. « Veuillez me pardonner d'avance. Je vais devoir vous faire un cours d'histoire Niphienne. Sachez que vous êtes chanceux car aucun Niphien ne l'a jamais suivi. en l'an 38 avant l'ère Upléenne, quand les Niphiens vivaient tous sur une seule et même planète commune, la planète Nikéas, et que leur mode de vie entrait en tout point, ou presque, je ne dispose pas d'assez d'éléments pour l'affirmer avec une entière certitude, en accord avec la vision du comète, ils virent débarquer les mercenaires dont il est question dans le témoignage du représentant Ormaïn. Non pas en très grand nombre, mais en puissance suffisante. Ils ont rapidement pu venir à bout des différentes civilisations niphiennes qui n'étaient pas particulièrement développées technologiquement et encore moins dotées de moyens pour combattre. Un roi, le roi Kouaïdo, négocia sa fuite et celle de ses sujets sur la planète voisine Upléas, planète au climat peu similaire au leur, mais toutefois supportable si l'on dispose d'un écran total. Le pacte avec les mercenaires fut passé à peu près en ces termes. Kouaïdo et ses sujets pouvaient s'exiler sur Upléas et seraient épargnés s'ils ne tentaient en rien d'organiser une offensive pour libérer leurs compatriotes. Après quelques déboires politiques, que je vous épargnerai, Kouaïdo céda la place à sa fille, la reine Zélaïdo, qui fit entrer Upléas dans le comète, une manière ingénieuse de garantir la sécurité de ses habitants, et condamna ceux de Nikéas à tomber dans l'oubli. En réalité, pas tant que cela. Il n'a pas fallu attendre que le représentant Ormaïn tombe du ciel pour que cette histoire soit découverte. Les époux Rabindrana, parents de la résidente Mimisha Rabindrana, qui m'a élevée, ont mené une enquête à ce sujet, il y a plusieurs décennies. La manœuvre des mercenaires, le but de leur colonisation, sont rapportés par divers témoins, des anciens mercenaires. J'ai eu ces travaux à ma disposition, seulement à notre retour de Nikéas. Pareil trésor n'aurait jamais dû être enterré. Durant leur enquête, les époux Rabindrana ont bien senti que leurs travaux, réalisés sur des planètes non membres, n'étaient pas du goût de tout le monde et que le soutien ne viendrait pas du Pléas. « Fille zélée, ceci doit cesser immédiatement !» tempéta Zeninouma. La monarchie upléenne, continua Zélé, n'avait pas besoin de cette enquête pour prendre conscience de son histoire, puisque chaque reine depuis Zélaïdo transmet à son héritière ce secret. La reine Zeninouma elle-même en a eu connaissance par la reine Zéwalkobi, ma grand-mère. N'étant pas couronnée reine, je n'avais pas encore eu le privilège que ma prédécesseuse me passe le flambeau. Mais je tiens de sa bouche qu'elle comptait tout me taire pour enterrer à jamais le destin des Nikéens. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps, conclut Zélé. Fille Zélé, tu es complètement folle. Tu viens de bafouer tout l'honneur de notre planète. Nous serons bannis avant de... Fin de connexion. Veuillez m'excuser, dit Zélé. J'aurai une seconde requête à vous soumettre, qui ne figure pas dans le dossier. Nous souhaiterions qu'une équipe de renseignement soit formée afin de rechercher activement, dans les mondes non membres, les Nikéens vendus par les mercenaires. Même si nous ne disposons d'aucune preuve avérant cette théorie, sa probabilité est suffisamment importante pour mener une enquête. Merci. L'Assemblée donna congé aux deux intervenants. Les membres allaient se retirer pour délibérer et Zélé et Ormaïn les retrouveraient le lendemain pour connaître leur décision quant au sort de Nikéas. L'attente allait être interminable pour eux. Bien consciente qu'elle le serait davantage pour Ormaïn que pour elle, Zélé avait à cœur de divertir son compagnon, et par ce biais, elle avait l'intention de retarder au maximum le retour à l'hôtel où Zeninouma les attendait, puisque l'éviter serait impossible. Pour l'instant, Zélé pouvait rejeter tous les appels implantaires insistants de la reine. Depuis le retour de Nikéas, tous les événements s'étaient tant précipités que leur dernière baignade remontait à des semaines, et rien n'était plus indiqué pour changer l'esprit d'un Niphien qu'une réhydratation complète de la peau. Ils durent voyager un peu avant d'atteindre une région géographique dotée de lacs. Les alentours du cercle originel n'offraient que des marais peu tentants. Certains lacs d'eau douce étaient aussi vastes que des mers. Ils s'étalaient à perte de vue sans que le rivage ne soit visible à l'horizon. Zélé et Ormaïn prenaient le soin d'étudier la liste des espèces animales y séjournant au lieu de se laisser séduire par des envies d'exploration interminables dans pareille étendue d'eau. D'aussi vastes territoires aquatiques rimaient souvent avec présence de gros carnivores. Il valait mieux éviter de se transformer en proie pour satisfaire l'appétit d'un prédateur. Les planètes membres avaient plusieurs manières de gérer les risques que représentaient les rencontres avec la vie sauvage. Sur Jobjo, la souveraineté des animaux sauvages leur permettait de vivre selon leurs propres lois, et ceux qui pénétraient leurs frontières le faisaient à leurs risques et périls, et avec interdiction de blesser mortellement tout animal en cas d'attaque. Ils avaient identifié un petit lac, répondant à leurs critères. Peu profond, son eau douce était cristalline. Sa faune et sa flore étaient riches, et les algues qui tapissaient le fond ornaient sa surface de reflets roses. Merci d'avoir demandé de l'aide pour retrouver ma famille. Je n'ai pas osé le faire, ni même te demander si c'était envisageable. Je sais que l'on demande déjà beaucoup étant donné la situation, dit Ormaïn. C'est normal, on ne risque rien à soumettre la requête. Ils pourront toujours la rejeter, répondit Zélé. Ils avaient gagné la région en transport souterrain jusqu'à la frontière du territoire sauvage et parcouru le reste à pied, ajoutant à leur planning de l'après-midi une randonnée. La dernière colline, qui les empêchait d'apercevoir leur destination, venait d'être franchie. Le lac s'offrait à leurs yeux. La saison était différente que celle de la brochure consultée, et la lumière de l'automne changeait l'aspect des lieux. Les tons étaient adoucis, et pour beaucoup d'espèces, l'eau appelait moins au rafraîchissement. Mais un Ifien n'avait que faire de ce genre de considération. Zélé, oui, répondit Zélé à Ormaïn. Je tenais à m'excuser pour le jour de notre rencontre. En te voyant, j'ai cru ressentir le lien dont Elie Jody nous a parlé et qui n'est qu'une pure invention de la part des villageois, confessa Ormaïn. Pourquoi t'en excuser, Ormaïn? S'étonna Zélé. Parce que tu m'avais confié ressentir quelque chose et je ne t'ai pas répondu que c'était réciproque. J'étais confus et je me disais que c'était un sentiment réservé seul à Xenia. Et voilà que... balbutia Ormaïn. Enfin, Ormaïn, ne te tracasse pas pour si peu. Tout est limpide pour moi maintenant, dit Zélé. Ah bon? S'étonna Ormaïn. Bien sûr. Je ressemble à la fameuse Xenia, j'ai assimilé ce fait. Caro aussi me l'a dit. Je ne compte pas Elie Jody, elle a possiblement été abusée par l'odeur des vêtements que je portais. C'est évident que tu as dû être grandement interloqué, consciemment ou non. Tu ne l'as pas vue depuis des années et voilà qu'après ta fuite de Nikéas, tu es réveillé par son sosie, expliqua Zélé. Et quelle explication donnes-tu à tes sentiments? Demanda Ormaïn. L'espèce? J'ai passé ma vie à me croire malade et singulière, c'est compréhensible qu'une puissante vague de sentiments forts et difficiles à analyser m'ait submergée en rencontrant quelqu'un comme moi. Tu étais la réponse que j'attendais depuis toujours. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus seule, expliqua Zélé. Qu'en est-il de ta peau? Tu es la seule Upléenne à avoir gardé une peau bleue. Nous n'avons pas d'explication pour ce phénomène encore, dit Ormaïn. L'oasis, bien sûr, reprit Zélé. J'y vais constamment, ma peau n'a jamais pu verdir. Peut-être enfant étais-je en retard, et au lieu d'attendre que ma peau ne verdisse, on a voulu me soigner, et cela a empêché le processus. Zélé semblait avoir analysé et compris les origines de son trouble, alors il n'insista pas. Elle était en accord avec elle-même, elle avait trouvé toutes les explications manquantes, et plus rien ne l'empêchait d'aller de l'avant. Bientôt peut-être pourrait-il en faire autant. L'héritière s'avança dans les flots calmes du lac, et quand Ormaïn le rejointe, elle lui intima de ne surtout pas désactiver son halo protecteur, afin de préserver la faune des bactéries qu'il pourrait apporter. Le halo faisant barrage aux vibrations de l'eau, il aurait été bon de sentir la caresse de l'eau sur leur peau, le toucher des éléments leur manquait à tous deux, mais la préservation des lieux prévalait à leur petit plaisir. Ils restèrent en totale immersion jusqu'à la tombée de la nuit, communiquant grâce à leurs implants. Zélé s'autorisait de plus en plus à accomplir volontairement des tâches implantaires. Elle sentait qu'elle reprenait petit à petit le contrôle, mais restait vigilante et ne précipitait rien. À la tombée du jour, quand il fit trop sombre sous l'eau, ils n'eurent d'autre choix que de quitter le lac. Ces algues n'étaient pas phosphorescentes comme celles de l'oasis sur Upléas. L'échéance du retour ne pouvait être reportée davantage. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, le ciel avait délaissé le dégradé du crépuscule pour son manteau d'étoiles. À la réception, Zélé s'enquit si Larine Zeninouma les attendait. On lui répondit que cette dernière avait demandé à être informée de leur arrivée, comme Zélé l'avait supposé. L'héritière préféra éviter toute situation gênante au personnel de l'hôtel en ne donnant aucune contre-indication. Ormaïn et elle s'installèrent dans le petit salon du hall. La reine serait privée de toute occasion de s'emporter. L'héritière savourait cette journée qui s'était déroulée à merveille. Ormaïn avait été parfait, L'assemblée avait semblé très réceptive à ses arguments, et la baignade les avait revigorés. Ce n'était pas la frustration de la reine, enragée par l'improvisation de sa fille à la fin de son discours, qui allait faire s'évaporer sa plénitude. Du coin de l'œil, Zélée observait le membre du personnel, qui, sans l'ombre d'un doute, échangeait avec la reine et lui indiquait que les personnes attendues ne montaient pas dans leurs appartements, mais s'étaient assises dans le hall. Dans la seconde qui suivit, Zélie reçut de nouvelles tentatives d'appel de la reine, qu'elle rejeta bien entendu. Quelques minutes plus tard, Zeninouma apparaissait dans le hall pour lui parler. La reine ne parla que lorsqu'elle fut suffisamment près pour garantir la discrétion de la conversation. Fille Zélie, où étiez-vous toute la journée? J'ai essayé de te joindre. Tu ne m'as pas espionné en localisant mon implant? Ça ne te ressemble pas, lança Zélie. Fille Zélie, ne devais-tu pas changer de modèle d'implant? S'étonna la reine. Je perdrais mes souvenirs si je faisais cela, dit sèchement Zélie. Même si Zeninouma préférait avoir le dernier mot sur tous les sujets de conversation, elle se fit violence pour en venir directement à ce qui l'avait amené à tenter maintes fois de contacter sa fille depuis la fin de son discours. Fille Zélie, je ne sais à quel jeu tu as joué, mais il est plus que dangereux. Toi te crois maligne en me présentant un faux discours et fine stratège en accusant devant l'Assemblée du Comète la dynastie Zé d'être responsable de la situation nichéenne. Ce que tu vas obtenir, c'est la sortie sans délai du Pléiade du Comète. Ne joue pas ça avec moi, répondit Zélie. Sous tes airs de repenti, en nous conseillant de ne pas parler de Kouaïdo. Tout ce que tu voulais, c'était qu'aucun lien entre les deux planètes ne soit fait, de garder ta précieuse place de planète membre. Mais sous cet angle, les chances de voir notre requête satisfaite diminuaient considérablement. Et ainsi, tu aurais pu me dire, en posant stratégiquement une main empathique sur mon épaule, « Fille Zélie, je suis sincèrement désolée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Zélie imitait grossièrement sa mère, mais ne s'emportait nullement. Intérieurement, elle savourait son triomphe. « Fille Zélie, pourquoi ne veux-tu pas me croire quand je te dis que je t'aiderai ?» Argumenter que depuis ta visite sur Nikéas, les mercenaires représentent une menace sur Upléas suffisait amplement à justifier une intervention, dit la reine. Oh, et par quelle royale supercherie aurais-tu expliqué que toutes les informations disponibles sur notre planète voisine étaient fausses, demanda Zélie. Fille Zélie, sans mentir, elle y avait moyen de contourner la question. Une de tes grandes spécialités, lança Zélie. Fille Zélie, laisse-moi simplement te poser une question que tu n'éluderas pas. J'en suis sûre. Avec l'effondrement de la dynastie Zé qui guette, la restructuration nichéenne sans aucun armement, comment comptes-tu à protéger Nikéas et toutes les convoitises que ses richesses vont éveiller partout dans la galaxie? Jusqu'ici, elle était gardée secrète. Mais si le comète intervient, l'affaire fera grand bruit. Et ce monde luxuriant sera connu des planètes dont les mercenaires sont originaires. Et toi, petite reine du Pléas, monde tombé dans le chaos, toi crois que tu pourras les empêcher d'envahir à nouveau ce monde? Lui demanda la reine. La certitude de Zélie s'était ébranlée d'un coup. Ormaïn, qui jusqu'ici ne prêtait pas trop attention à leur dispute sans grand intérêt, comprit que quelque chose se jouait et fixa Zélie, attendant sa réponse. Le comète, commença Zélie. Fille Zélie. Le comète libérera une fois Nikéas, pas deux. S'il entre en guerre, ce sera pour envoyer un message aux planètes non membres. Voyez ce qui vous attend si vous osez attaquer un de nos membres. Depuis sa création, il n'a jamais eu à user de la force, il n'en a pas envie. Nikéas sera libéré des mercenaires, puis laissé entre tes mains, expliqua la reine. Au fil des paroles, les humeurs de Zélie et Zeninouma s'étaient inversées. L'assurance de Zélie l'avait quittée, pour Zeninouma, et l'héritière ne menait plus le débat, elle restait interdite. Zeninouma secoua la tête de désespoir et s'éloigna. Ormaïn attendit que la reine fût assez éloignée pour se pencher avec sollicitude vers Zélie. Qu'est-ce que cela veut dire, Zélie? Crois-tu que cela puisse se produire? Bien sûr, Ormaïn. Mais alors, pourquoi as-tu agi de la sorte? Pourquoi n'as-tu pas gardé la stratégie vue avec ta mère? S'inquiéta Ormaïn. Parce que je n'y avais pas pensé, balbutia Zélie. Bien que les regrets de Zélie étaient palpables et qu'Ormaïn ne demandait qu'à lui éviter tout tourment supplémentaire, la situation était trop grave pour qu'il ne s'immisçât pas davantage dans les décisions. D'accord, tu n'as pas réfléchi, tu pensais bien faire, dit Hermione. Bien sûr, je pensais, balbutia Zélé. Peu importe, le mal est fait. Mais il n'est pas trop tard, la décision n'a pas été rendue. Tu peux toujours demander de l'aide, dit Hermione. À qui ? Demanda désespéré Zélé. Zélé semblait désemparée. Elle avait la voix d'une petite fille chagrine qu'il fallait consoler. Hermione ne comptait pas lui parler comme à une enfant. Les concessions ne devaient certainement pas venir de lui. Tu nous as mis dans ce pétrin, toute seule, Zélé. Alors tu vas nous en sortir. Rejoins immédiatement Zeninouma. Elle te conseillera. Je suis sûre qu'elle a déjà une parade en tête. Es-tu fou, Hermione ? Tu veux qu'après l'humiliation que je viens de vivre en face d'elle, j'aille la voir ? S'indigna Zélé. Ça m'est égal que tu aies été humiliée, Zélé. C'est ta faute entière. Tu vas aller la voir, lui présenter tes excuses et t'écraser devant elle jusqu'à gain de cause. Hermione n'avait pas l'intention de la ménager et d'attendre qu'elle se remette de ses émotions pour lui demander de rejoindre la reine dans son appartement. Il l'avait tirée par le bras, jusqu'à l'ascenseur, et déjà était-il en train de sélectionner l'étage quand il finit sa phrase. Zélé ne se rebiffait pas. Elle savait qu'il avait raison, mais son erreur lui restait au travers de la gorge. Le sol de l'ascenseur était décoré d'une illusion d'eau. Leurs corps s'y reflétaient comme à la surface d'un lac. De petites ondes partaient de leurs pieds et déformaient légèrement leur silhouette. Le Nikéen appuya sur le dos de Zélé pour la pencher en avant. Regarde, Zélé, ton pire cauchemar. Tu lui ressembles, trop confiante pour imaginer que tes choix puissent être mauvais et trop fière pour demander de l'aide. L'héritière lui en voulut pour ses paroles crues, mais que pouvait-elle rétorquer à part qu'il avait raison? Elle aurait préféré disposer d'assez de temps pour se préparer, se calmer et aborder la reine par une conversation implantaire. Dans la situation actuelle, et telle qu'elle connaissait sa mère, c'était le face-à-face qui était de rigueur. L'ascenseur fit halte. Zélé descendit seule. Hermione lui adressa un regard de soutien et les portes coulissèrent à nouveau. Zeninouma avait immédiatement contacté Idley en passant la porte de son appartement. Elle avait beau être implantée depuis plus longtemps que sa fille, les avancées technologiques n'étaient pas son point fort et elle préférait privilégier les systèmes de communication avec lesquels elle avait grandi. La reine, debout, raide, fixait le buste du roi, qui lui répondait. Posé sur un buffet, on aurait cru une statue décorative animée. Comme à son habitude, Zeninouma s'était montrée distante durant son échange avec Zélé. Mais vers la fin, voyant les réticences de Zélé, elle avait essayé d'adoucir sa voix pour lui signifier qu'elle était du même côté, sans succès. Et elle en souffrait. Zeninouma n'avait jamais été démonstrative dans ses émotions. Ce n'était ni par calcul, ni par antipathie. Elle était ainsi. Elle n'éprouvait pas le besoin de s'épancher. Elle n'en voyait pas l'utilité. C'était apporter, selon elle, des complications inutiles. Pourtant, elle était profondément affectée par les situations où les êtres qu'elle chérissait souffraient sans qu'elle pût y remédier. Dans ces moments-là, elle se tournait vers Idley. Il savait comprendre ses tourments sans qu'elle ait à se découvrir. Époux Idley, elle n'a pas voulu m'écouter. J'ai essayé de me faire entendre. Zéma. Depuis votre retour de Nikéas, Zélé a perdu toute confiance en toi. Tu le sais bien. Époux Idley, que faudrait-elle que j'affasse de plus? J'allais confier l'histoire de Zélaïdo. J'allais conduire à cette assemblée. J'allais conseiller pour son discours. Qu'attend-elle de moi encore? Zéma, parle-elle de la source. Que vient-elle t'a contactée? Et tant que tu n'admettras pas que tu as encore une chose à lui révéler, rien ne pourra aller. Époux Idley, de quoi parles-tu enfin? Je n'ai rien. Zéma, tu as sait de quoi je parle. Ce n'est pas à moi de la formuler. Nous en avions convenu ainsi lors du sauvetage sur Nikéas, déjà. Mais tu as ton tête. La reine resta interdite et détourna son regard de celui de son mari. Sa gorge était serrée. Elle était douée pour enfouir certaines vérités et agir comme si elle les ignorait. Pourquoi le sujet ne pouvait-il pas être clos? Il l'était dans son cœur depuis 20 ans. Époux Idley, tu n'es pas face à elle. C'est facile pour toi de juger mes actes. Tu es toujours en retrait. Moi, j'affronte tout. Si je le disais, je ne serais définitivement plus rien pour elle. Zema. Bien sûr que non. Tu as réduit notre fille à trop peu. Où est-ce toi que tu as réduit à rien? Époux Idley, elle est ma fille. Cela en a toujours été ainsi. J'ai perdu toute crédibilité depuis mon trône. J'ai perdu toute crédibilité. Bientôt mon trône. Permets-toi qu'il y ait une chose qui ne me soit pas enlevée. Zema, elle finira par la découvrir. Et si c'est d'elle-même, ce sera pire. Là, tu auras raison de penser que nous deviendrons des étrangers à ses yeux. Tout comme toi, je ne la souhaite pas. Par simplicité, mais surtout par faiblesse, Zeninouma attendait qu'Idley lui proposât de s'en charger. Mais il ne le ferait pas. Il savait qu'elle espérait cette proposition. Avant que l'un ou l'autre n'enchaînât, une voix résonna dans l'appartement pour annoncer que Zélé Zeninouma Idley attendait à l'entrée. La reine coupa la conversation, presque frénétiquement, comme dans un sursaut. Le buste du roi s'évapora et la permission de s'ouvrir fut donnée à la porte. Elle n'attendit pas, comme elle l'aurait pu faire d'ordinaire, que Zélé vint à elle, dans le salon. Elle s'empressa de l'accueillir, à peine avait-elle franchi le seuil. Fille Zélé, merci de m'avoir rejointe si vite. Zélé resta interdite, les yeux fixés sur la pointe de ses pieds triangulaires. Elle n'avait aucune idée de comment aborder la situation. Elle ressentait une honte pour tous les aspects de sa conduite pendant la journée. Honte d'être la cause du problème, honte d'avoir amené dans son discours un sujet non préparé, honte d'avoir pris de haut la reine, et honte finalement d'être comme cette dernière. Zeninouma ne pouvait pas deviner tous les conflits internes de sa fille, mais elle avait assez d'empathie pour en comprendre le principal, et elle rassembla tout le tact dont elle était capable quand elle enchaîna. Fille Zélée, l'assemblée ne s'est pas encore prononcée. Tout n'est pas perdu. D'ici demain, nous pouvons encore influencer leurs décisions. Mère Zeninouma, comment? Jeanne peut demander une seconde audition si soudainement? Fille Zélée, tu as raison. Tu ne peux pas, et ce serait une erreur. Désormais, elle faut flatter l'assemblée. Le comète est protecteur de ses planètes, membres, et aime l'acclamer. Nikias doit bénéficier d'un protectorat en attendant de devenir membre. Et c'est à l'Assemblée de nous faire cette proposition. Mère Zeninouma, vous pensez vraiment que... Fille Zélée, oh non, les chances que les représentantes aient cette idée sont minces. Tu leur as remis un dossier avec une demande bien précise. Elles ne vont rien étudier d'autre. Mais si l'idée leur était suggérée, elles pourraient la considérer et se décider à l'intégrer à leurs conditions. Mère Zeninouma, leur suggérer par quels moyens? Ormaïn et moi, en tant que demandeuses, n'avons pas le droit de leur adresser la parole. Fille Zélée, vous, non. Mère Zeninouma, vous feriez cela? Elles étaient passées au salon et s'étaient installées dans les fauteuils moelleux. Zélée s'était efforcée de s'installer près de sa mère, mais elle n'était pas allée jusqu'à s'asseoir dans le même fauteuil. Un petit espace les séparait. Zélée était ratatinée dans le fond de son siège, les genoux serrés, les poings fermés posés dessus. Zeninouma se pencha, étendit son bras pour poser sa main sur la coudoir. Fille Zélée, bien sûr, ma chérie, bien sûr. Crois-moi quand je te dis que nous sommes du même côté. Mère Zeninouma, comment comptez-vous y prendre? Fille Zélée, les représentantes dont je suis proche m'aideront. Si j'allais convaincre, elles se chargeront de convaincre les autres. L'idée de protectorat n'est pas nouvelle à l'Assemblée, mais le temps n'a jamais été pris pour vraiment l'étudier. Il y a des planètes pour lesquelles les critères sont en cours d'être tous respectés, mais elles ne bénéficient pas d'une position favorable. Elles sont au contact de planètes bien éloignées de nos idéaux, qui représentent un danger réel. Si le comète les protégeait en attendant qu'elles terminent de se conformer, tout le monde y gagnerait. Nikias pourrait servir de laboratoire. L'héritière écoutait et acquiesçait de la tête, le regard dans le vide. Elle était reconnaissante que la reine acceptât de lui venir en aide sans difficulté, alors qu'elle était en position de force. Mère Zeninouma, quand avez-vous imaginé l'instauration d'un protectorat? Fille Zélé, aujourd'hui même, à vrai dire. Quand j'ai cherché à te contacter juste après ton discours, elle s'agissait plus de te signifier mon désarroi sur ton choix, sans solution à l'esprit, pour réparer ton erreur. Et puis la représentante Maloma m'a contactée, pour exprimer son incompréhension face à la stratégie que nous avions adoptée. J'ai évité de lui répondre que cette initiative était entièrement tienne, inutile d'apparaître divisée aux yeux des autres. Je l'ai demandé ce qu'elle nous a conseillé, et nous avons étudié ensemble les options. Zélé avait hoché régulièrement de la tête pendant l'explication de la reine, une manière de signifier qu'elle croyait son explication et n'imaginait pas une tentative de manipulation ou un enjolivement de ses actes. L'héritière se leva de son fauteuil et se dirigea d'un pas lent vers la porte. Dans l'encadrement, elle s'arrêta et resta un moment de dos. Elle se retourna, adressa un merci timide et quitta les lieux. La nuit était avancée. Zélé n'avait aucune intention, ni envie de se coucher. Elle ne parviendrait pas à trouver le sommeil, trop tourmentée qu'était son esprit, à culpabiliser de ses paroles non avisées. Elle ne retournerait pas à l'appartement. Elle ne ferait qu'y tourner en rond avec Ormaïn. Lui aussi ne dormait pas, c'était évident. Elle lui signala rapidement par un plan du bon déroulé de sa conversation avec la reine, qu'il leur restait un espoir, et qu'elle ne rentrerait pas ce soir. Elle s'évada dans les rues de la ville, peuplées ou désertes, les grands boulevards ou les petites ruelles. Ses pensées la tourmentèrent trop pour qu'elle remarquât les lieux où elle se trouvait. Les espèces croisées étaient en quasi-totalité nocturnes. Tous les habitants qui devaient se reposer trouvaient visiblement le sommeil. Débouchant sur une avenue, elle repéra à son bout l'entrée d'un jardin et, comprenant où elle était, y dirigea ses pas. Elle passa les fourrés et massifs de fleurs, sans trop d'attention, et ce fut au pied de la statue de Joachim qu'elle s'assit. « Comment as-tu fait ?» demanda Zélé à la statue. « Comment les as-tu convaincus ? Si tu es parvenu à un tel exploit, ma demande ne devrait pas être insurmontable. Enfin, je ne le crois pas. Je ne demande que la justice pour des êtres trop vulnérables pour se défendre. S'il le faut, je ruinerai Upléas pour que toutes ses richesses financent une armée de mercenaires recrutés aux quatre coins de la galaxie pour aller combattre ceux installés sur Nikéas. Mais ce n'est pas la solution. Tout le monde doit se sentir concerné par ce qui se passe. » Tout le monde doit vouloir y mettre un terme. Tout le monde, pas uniquement les victimes. Zélé sanglotait. Les descriptions du carnet étaient assez vives dans son esprit pour qu'elle associât à ces mots des images cauchemardesques. Elle termina la nuit assoupie, sur un banc, face à la statue. Au petit matin, quand ses paupières ne furent plus assez efficaces pour maintenir ses yeux dans l'obscurité, elle rentra à l'hôtel à pied. Il était loin, mais elle avait tout son temps. Une halte en chemin lui permit de prendre des forces grâce à un petit déjeuner plutôt copieux. À sa grande surprise, elle avait faim. À son réveil, elle avait pris connaissance d'un message que l'Assemblée lui avait laissé sur son implant. La décision serait rendue en début d'après-midi. Zélé espéra de tout cœur que Zeninouma et Maloma avaient su se montrer convaincantes auprès des autres membres. Son passage à l'hôtel fut des plus brefs. Elle et Ormaïn enfilèrent une tenue distinguée et sobre et entreprirent le même trajet que la veille, sans Zeninouma cette fois. Celle-ci était déjà sur place depuis la première heure. En premier lieu, le cercle tient à rappeler que le rôle du comète n'est pas de pacifier la galaxie, mais de protéger les planètes pacifiques. Et il appartient aux populations de ces mondes d'atteindre par elles-mêmes cette paix. Après une demande approfondie du dossier remis et des demandes formulées, le cercle rend les décisions suivantes. Des révélations faites par la représentante zélée, Zeninouma Idlé, sur les dissimulations volontaires du gouvernement upléen sur son passé et de la transmission de données falsifiées, ainsi que l'utilisation abusive de ressources communes telles que l'eau, l'intégration de la planète Upléas aux comètes, est considérée comme nulle. D'après cette première décision, le cercle a le droit de rejeter entièrement les demandes formulées, sans autre considération. Toutefois, nous avons tenu à faire preuve de magnanimité, étant donné l'urgence et la gravité de la situation, et ne souhaitons pas envoyer un message biaisé au monde non membre qui pourrait penser que le comète serait dans l'incapacité de protéger ses membres. C'est pourquoi les réponses suivantes sont apportées. À la demande de constituer une équipe de renseignement permettant de retrouver dans les mondes non membres les habitants nikéens dont la vie a pu faire l'objet de commerce, le cercle estime qu'Upléa dispose déjà de tous les pouvoirs nécessaires pour constituer cette équipe et effectuer les recherches. La demande est rejetée. Enfin, à la demande principale, à savoir que le comète apporte son aide aux oppressés de la planète Nikéas pour se libérer des esclavagistes dénommés mercenaires, compte tenu du danger pesant sur Upléas, de l'incapacité de celle-ci à se protéger, et au vu que l'approvisionnement en eau actuel nécessaire à la préservation des écosystèmes cessera, et qu'il est impératif que les Nifiens vivant sur l'Upléas émigrent vers un milieu où leurs besoins ne mettront pas en péril les ressources à disposition, le cercle répond favorablement d'après les conditions expresses suivantes. 1. Le comète exercera un protectorat sur les différents peuples nikéens afin de garantir leur évolution rapide vers ses idéaux. 2. Ce protectorat sera effectif dès la libération de Nikéas et pendant une durée de 3 années universelles. 3. Ce protectorat devra être signé par tous les représentants des différents peuples nifiens dans un délai d'une année universelle. 4. À l'issue du protectorat, où qu'en soit le respect des idéaux du comète, Nikéas retrouvera toute son indépendance. 5. À l'issue des 3 années universelles, si les idéaux sont respectés et que les différents peuples nikéens en émettent le souhait, Nikéas deviendra membre du comète, et Upléas sera réintégré. 6. Finalement, l'eau jusqu'ici fournie à Upléas devra être intégralement remboursée au comète dans un délai de 10 années universelles.